Le groupe de procession de vélo pour la réunification du comité préparatoire de la région chinoise pour la conférence conjointe des organisations politiques et sociales et des personnalités du Nord, du Sud et de la diaspora pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne, conduit par le co-vice-président Choi Soo-bong, vice-président de l'Association générale des Coréens en Chine, est arrivé le 2 octobre par train à Pyongyang.